Deutéronome 29, une alliance pour aujourd'hui et demain. Tu rassembles tout le peuple, chefs, enfants, étrangers. Tu conclus une alliance à Moab pour ceux qui sont là et ceux à venir encore cachés. Tu rappelles ce qu'ils ont vu en Égypte, les idoles, les illusions. Tu les mets en garde contre le cœur qui dit en secret je suivrai mes passions. Tu révèles les dangers d'un tout va bien alors que le cœur se détourne de toi. Fais de nous un peuple de cœur fidèle, pas seulement des témoins de tes actes. Que notre génération ne vende pas ce que les précédents ont pris comme pacte. Fais de nous un peuple de cœur fidèle pour nos enfants après nous. Que l'alliance soit vivante dans leurs mains et pas appartiennent à toi seul, mais que ce qui est révélé est pour nous et nos fils sous le ciel. Tu ne demandes pas d'expliquer l'inexpliqué, tu demandes de marcher dans ce qui est clair, d'aimer ta parole, d'honorer ta voix et de laisser le reste dans ta lumière. Peuple de cœur.